Ce panneau signale la fin de toutes les interdictions précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement. Il ne met pas fin à une interdiction éventuelle de s'arrêter ou de stationner.